Osée chapitre 14. Israël, retourne-toi jusqu'à l'Éternel, ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Prenez avec vous ce que vous avez à dire, et retournez-vous à l'Éternel, et lui dites, ô toute l'iniquité, et prends le bien, pour le mettre en sa place, et nous te rendrons les sacrifices de nos lèvres. La Syrie ne nous délivrera pas, nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, vous êtes nos dieux. Car l'orphelin trouve compassion devant toi. Je guérirai leur rébellion, et les aimerai volontairement, parce que ma colère est détournée d'eux. Je serai comme une rosée à Israël, il fleurira comme le lys, et jettera ses racines comme les arbres du Liban. Ses branches s'avanceront, et sa magnificence sera comme celle de l'olivier, et son odeur comme celle du Liban. Ils retourneront pour se tenir assis sous son ombre, et ils foisonneront comme le froment, et fleuriront comme la vigne, et l'odeur de chacun d'eux sera comme celle du vin du Liban. Ephraïm dira, « Qu'ai-je plus à faire avec les faux dieux ? Je l'exaucerai, et le regarderai, je lui serai comme le sapin verdoyant. Ton fruit procédera de moi. Qui est celui qui est sage, qu'il entende ces choses, et qui est celui qui est prudent, qu'il les connaisse ? Car les voies de l'Éternel sont droites, aussi les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. »